بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Donc nous allons réaliser aujourd'hui la dernière séance dans la lecture de l'essai de traduction de l'épître de l'érudit savant Ahmed ben Yahya al-Najmi rahimahullah, qui est un grand savant du sud de l'Arabie Saoudite et qui était le mufti de la région du sud à l'époque d'Ibn Baz rahimahumullah ta'ala, hein, tous les deux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à nos savants et qu'il préserve ceux qui sont encore en vie. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité ces séances, parce que c'est un grand bienfait donc de se réunir dans ces séances pour mentionner Allah subhanahu wa ta'ala et pour lire les paroles des gens de science qui nous clarifient la voie et qui écartent donc de nous les voies donc de la déviance, hein, et de l'égarement, hein, et de l'égarement, et surtout à notre époque où il y a plusieurs pistes et plusieurs méthodologies, hein, donc d'égarement, qui essayent donc de dévier le musulman, hein, du bon chemin. Très bien, donc nous allons continuer et enchaîner avec une parole où le cheikh, rahimahullah, il avait amené un propos donc encore de Ben Jibrin, et il va le critiquer. Il a dit: quant à ta parole, hein, il l'avait attaqué, c'est-à-dire il avait attaqué Hassan al-Banna sans une raison de le particulariser, hein, sans une raison de le choisir lui-même, hein, sans une raison de le particulariser, puisqu'il y a des livres très connus qui sont pires que les siens, hein, qui sont pires. Cela, donc il est sous-entendu dans cette parole que les livres de Al-Banna, ils sont mauvais, d'après donc l'avis de Ben Jibrin, qui est en train donc qui a donc formulé cette phrase, hein. Et donc il y a des livres très connus qui sont pires que les siens, et il y a des meneurs vivants et morts plus déviants que lui, plus déviants que lui. Cela sous-entend que Al-Banna lui aussi il est déviant. Très bien, donc la fin de citation donc de la parole de Ben Jibrin. Et donc le cheikh, il a commenté en disant, je dis, hein, cheikh Najmi rahimahullah, il a dit, je dis, premièrement, louange à Allah qui t'a fait dire la vérité à ton insu. Hein, donc là, subhanallah, donc Ben Jibrin, il a écrit cette lettre pour inciter à Cheikh Najmi de ne pas publier ce livre où il y a la critique de l'Ikhwan, alors que dans cette lettre il y a, hein, donc une reconnaissance de, donc comme on vient de le dire, hein, que donc le minhaj de Al-Banna il est mauvais et que donc il est déviant. Donc le Cheikh lui a dit: louange à Allah, alhamdulillah, hein, qui t'a fait dire la vérité à ton insu. Sans que tu te rendes compte de cela, tu as mis cela dans ta lettre, hein, à ton insu. Car tu reconnais ici qu'il y a du mal dans ses livres et qu'il se trouve dans sa voie et son parcours de la déviance. Et combien il y a de ressemblances entre ta parole et celle des gens d'innovation sur le plan de la contradiction. Hein, parce que donc les gens de l'innovation, toujours ils se contredisent. Hein, hein, toujours ils se contredisent, donc il y a de la contradiction, ta'arud wa tanaqud fi kalami ahli al-bid'ah. Il y a toujours donc la contradiction, mais quelle est la voie où il n'y a point de contradiction? C'est la voie de as-salaf salih, parce que la voie de as-salaf salih, Allah nous a ordonné de la suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, donc nous ordonne toujours de suivre ce qui est parfait. Donc cette voie, c'est une voie qui est parfaite, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donc nous a ordonné de la suivre. Très bien, donc les gens d'innovation, ils se contredisent. Comme ici dans cette lettre où le cheikh, hein, Ben Jibrin rahimahullah, il s'est contredit dans cette lettre. À la fois il dit il ne faut pas publié ce livre où il y a la critique de l'Benna, etc. Et à la fois, il reconnaît qu'il est déviant. Hein, il est déviant. C'est pourquoi le Cheikh lui a dit, hein, et combien il y a de ressemblances entre ta parole et celle des gens d'innovation sur le plan de la contradiction. Hein. Médite bien sur cela, donc. Deuxièmement, les gens de science sont sommés, hein, autant qu'ils le peuvent, c'est-à-dire ils sont obligés, hein, autant qu'ils peuvent, d'éclaircir aux hommes ce qu'ils ignorent. Hein. C'est un ordre divin d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas taire la vérité et donc de la clarifier et de la montrer aux gens. Hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a pris le serment donc, par rapport aux gens de science de clarifier la science et de clarifier la vérité aux gens et de ne pas la taire. Et de ne pas la taire. D'accord ? Ils sont sommés, hein, autant qu'ils peuvent, d'éclaircir aux hommes ce qu'ils ignorent, ce que les hommes ignorent. Hein. Et ils doivent séparer le vrai de l'intrus. Les gens de science doivent séparer entre ces choses pour que toujours la piste de l'islam soit claire. Hein, et que la voie de l'islam soit authentique et claire et pure, hein, pour ceux qui veulent suivre la vérité. Troisièmement, nous avons été éprouvés par cette méthodologie, hein, au sein même de nos foyers. Hein, donc il a dit, donc même donc en Arabie Saoudite, hein, au sein même de nos foyers, puisqu'elle corrompt l'esprit de nos enfants. Puisque donc le minhaj des frères musulmans, il a émigré vers l'Arabie Saoudite. Lorsque donc il y a eu du harcèlement et de la persécution en Égypte, donc le roi il les a accueillis. Le roi donc de l'Arabie Saoudite à l'époque, il les a accueillis pour donc alléger leur souffrance puisqu'ils étaient donc chassés donc de l'Égypte et ils étaient harcelés et persécutés. Lui, il les a reçus. Comme maintenant aussi l'Arabie Saoudite, elle a reçu beaucoup de Syriens. Donc beaucoup de Syriens, elle a ouvert ses portes, hein, pour les étudiants pour s'inscrire, pour donc les gens qui les diplômes, etc., pour donc chercher de l'emploi et ainsi de suite. Et elle a reçu donc les beaucoup de Syriens. Beaucoup de Syriens, elle les a reçus. D'accord? Donc mais pour les frères musulmans, ils ont rendu donc ce bienfait, hein, que l'Arabie Saoudite leur a accordé, hein, en essayant de modifier sa méthodologie et sa voie. Donc ils se sont infiltrés dans les administrations, dans les établissements, dans les postes, ils ont commencé à prêcher aussi leur voie, malheureusement. Hein, ils ont commencé à prêcher leur voie, ce qui est de l'ingratitude. Hein. Quelqu'un, il t'ouvre ta porte, il te reçoit, il t'accueille, hein, dans son foyer, et toi tu essaies de lui changer ses enfants. Hein. Alors que toi, tu ne détiens pas la vérité. Tu es sur une voie qui est hizbi, et qui est sectaire, et qui est donc déviée. Donc le Cheikh, il a dit, le Cheikh Najmi, nous avons été éprouvés par cette méthodologie au sein même de nos foyers, puisqu'elle corrompt l'esprit de nos enfants. Hein, ces enfants qui désavouent leurs parents tendres, hein, leurs amis affligés, l'enseignant éducateur. Ils n'ont pas profité de la parole du conseiller, ni du reproche du critique, sauf s'il est de leur parti. D'accord? Ils ne vont pas, donc ils refusent le conseil. Ils refusent donc nasiha. Ils refusent quoi? Le reproche du critique. Lorsqu'il y a une critique qui est fondée, comme celle faite par Najmi, dans le Mawrid, hein, ou dans Rad al-Jawab, hein, donc beaucoup de Hizbi ne vont pas accepter cette vérité, malheureusement. Ils ne vont pas dire oui, tiens, voici donc des égarements de Hassan al-Banna. Donc cela prouve qu'il n'avait pas de science, et cela prouve qu'il a donc inventé une voie, hein, donc qu'il ne devait pas inventer. Hein. Les pires choses en religion sont celles qui sont inventées. Au shar al-umuri muhdathatuha, comme on dit dans Khutbat al-Hajja, comme le prophète nous a appris dans Khutbat al-Hajja. Donc ils n'ont pas profité, hein, du conseil du conseiller ni du reproche du critique, hein, sauf s'il est de leur parti. Hein, ils n'acceptent que donc ce qui émane de leur parti. Hein, parce que lui-même le Benna, il a dit aux gens, hein, donc nous on a donc une méthodologie, c'est cette méthodologie qui est la balance. Hein, vous allez amener les autres méthodologies, on va les peser, hein, et voir celle qui est concordante avec la nôtre et celle qui est donc déviante, malheureusement. Donc les gens, ils ont donc appris cette chose de Satan. Très bien. Le Cheikh, il continue, il a dit, ils ont ressemblé par là à ceux dont Allah avait dit dans le Coran Karim. On lit ce fragment de verset. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. Les gens du donc وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا جنة النار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون. Ils ont dit aussi وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. Et ne, donc les gens du livre disent à leur corps religionnaire, ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Sourate Ali Imran, la famille de Imran, le verset 73. Le Cheikh l'a cité ce verset, il a dit, et ceux dont il est question, ici, donc s'agissant des frères musulmans, et ceux dont il est question avaient dit, c'est comme s'ils sont en train de dire, et ne croyez qu'à la parole des gens de votre parti. De votre parti. Ils n'écoutent donc le conseil que s'il émane de leur parti. Ils n'acceptent pas les critiques ni les conseils. C'est pourquoi, fin de citation, c'est pourquoi, dit Cheikh Najmi, il était obligatoire de parler de cette méthodologie, de son fondateur, de ses branches comme le sororisme. Sororia, c'est une branche de l'Ikhwan Muslimin. Sororia, c'est une piste au sein même de donc des frères musulmans, parce que les frères musulmans ils se sont subdivisés donc le bid'a elle va donc toujours elle est en train de donner quoi des branches des branches, elle est toujours en train de donner des branches, et donc c'est elle a donné qaïda et elle a donné le sororisme et elle a donné Hizb an-Nur Salafi en Égypte et elle a donné d'autres versions en Tunisie et au Maroc et en Algérie et au Soudan et au Yémen. Ils ont donné tout cela. Ils ont donné des ahzab. Les frères musulmans, ils ont donné au Maroc, par exemple, l'Adala ou Tanmiya. Ils ont donné l'Adl ou l'Ihsan. En Algérie, Jabhat Inqad Islamiya. En Tunisie, Hizb al-Nahda. Au Yémen, Hizb al-Islah et d'autres. Et d'autres associations et d'autres partis comme ça qui sont des partis innovés. Et surtout, ce qui a fait beaucoup de remous, beaucoup d'agitation dans le monde, Al-Qaïda, Tandim Al-Qaïda, et cela aussi beaucoup Haram, qui est au Mali. Cela, c'est un fikr de cela qui émane au Nigeria. Au Nigeria, c'est une pensée qui vient de quoi? Qui vient des frères musulmans, parce qu'ils se basent sur les livres de Qutb et de l'Banna, et leur modèle dans le changement, c'est les opérations suicides, l'amaliyat intihariya. Et faites très attention, certains gens pour faire telvis, pour tromper les gens, ils disent amaliyat sishhadiya. C'est comme si celui qui va les commettre, il est en train de demander shahada. On ne demande pas shahada par le suicide. Ça s'appelle al-amaliyat al-intihariya. Les gens de science sont unanimes que ça c'est interdit. Le Coran Karim il a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de se suicider. Alors que eux ils vont ordonner aux jeunes donc même de commettre ce genre de choses, tel que ce qui est fait par al-Qaïda ou ce qui est fait par par Boko Haram ou ce qui est fait par Daesh ou par Nusra ou par ces groupes terroristes qui sont tous sortis de Aba'at Ikhwan Muslimin, ils sont sortis du manteau des frères musulmans. Ce que nous sommes en train de dire maintenant rapidement, les gens de science ils ont beaucoup écrit pour montrer ces relations entre le groupe des frères musulmans et entre ces groupes qui sont apparus, qui apparaissent petit à petit donc sur la scène internationale. Donc ils ne cessent de changer. Et lorsque un groupe il remplit sa mission, comme Qaïda par exemple, c'est devenu donc une chose ennuyeuse. C'est connu que c'est du terrorisme, du terrorisme, du terrorisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un nouveau donc groupe qu'ils ont appelé Daesh. Ils ont pour un peu amener une nouvelle mode et pour détruire encore les pays de l'islam, hein, et pour essayer de combattre l'islam par un autre groupe terroriste. Et les occidentaux, ils exploitent ces groupes terroristes pour faire quoi? Faire de la propagande contre l'islam. Alors que l'islam, il est fort. Hein, l'islam, c'est la religion de vérité. Il n'a pas besoin donc de terroriser les gens. Hein, l'islam, c'est une religion de vérité. Hein, de vérité. Mais malheureusement, donc, les occidentaux et les gens d'innovation, ils exploitent les jeunes pour donc arriver à des postes ou pour arriver à des choses terrestres, à des biens terrestres. Donc là, le cheikh, hein, rahimahullah, il était en train de lui dire, c'est pourquoi il était obligatoire de parler de cette méthodologie, de son fondateur et de ses branches comme le sororisme et al-Qutbiyya. Hein. Il ne lui cite à l'époque que donc c'est de sororisme qui est fondé par Zin al-Abidin, hein, Muhammad Surur, hein, Muhammad Surur Zin al-Abidin, hein, donc, et qui est mort, alhamdoulilah, il est mort, hein, donc Allah subhanahu wa ta'ala débarrasse les jeunes de son fikr, hein, de son fikr qui émane et qui donc part, son point de départ c'est l'Ikhwaniya, c'est les écrits de Qutb et de Al-Banna, hein, et de Al-Banna. Parce que dans sa manière de faire, hein, il y a donc comme ça, donc le Hizbiya, et il y a surtout donc l'éloge donc des opérations suicides et ainsi de suite. Et par exemple, quelqu'un qui est connu sur la scène arabophone, qui s'appelle Abu Ishaq al-Huwayni, c'est un sourouri, hein, c'est un sourouri, hein, c'est un sourouri. C'est-à-dire, donc il a donc ce fikr de Muhammad Zin al-Abidin Surur. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils détractent les grands savants. Hein? Parmi les ruses de ce groupe, ils vont essayer de faire douter les jeunes, hein? De faire douter les débutants et les jeunes, hein? Relativement aux gens de science. Ils détractent, par exemple, les grands savants, tels que Ibn Baz, tels que Al-Uthaymin, tels que Al-Albani, et ainsi de suite. Ils vont essayer donc d'atténuer donc leur valeur chez le jeune. Ils vont essayer de rabaisser ces gens. Et c'est ce que fait Al-Huwayni. Al-Huwayni, c'est parmi les prêcheurs arabophones. Il parle des grands savants, donc il les méprise. Il a parlé de Lejmet Daima, il l'a méprisé. Il la rabaisse. Hein, il est en train de parler de Lejmet Daima. Hein, il a dit donc ses prérogatives, ce qui lui est donné en Arabie Saoudite, hein, donc c'est moins que ce qu'on donne à une association qui protège les animaux, hein, les associations qui s'activent dans Rifq bil Hayawan, dans le fait d'avoir un bon comportement à l'égard des animaux. Hada kadhib. Lejnet Daima, c'est des Hay'a où il y a donc de grands savants, elle est respectée et elle a une place dans les cœurs des, non seulement du peuple saoudien, mais des musulmans. Ces fatawas sont reçus, donc c'est connu comme une lejna qui a donc de la valeur. Hein. Lui, il a rabaissé. Et aussi, il a parlé de Cheikh Rabi' en mal. Hein, donc le grand savant qui est Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hein, Al-Huwayni, il a parlé, hein, donc de ce grand savant avec des termes vraiment que donc d'un ignorant, il a insulté Cheikh Rabi' al-Madkhali, hein. Donc là, c'est un sourouri qui a cela. Il doit faire tomber les savants, hein, pour, hein, donc par la suite et relier les jeunes à des prêcheurs d'égarement et donc de l'ignorance. Donc le cheikh, il lui a cité parmi les branches de l'Ikhwan, hein, Al-Qutbiyya et le sororisme. Hein. Voici, hein, dit le cheikh Najmi, rahimahullah, dans l'essai de notre traduction, voici ce qui obligeait à le viser en particulier. Voilà, donc il a dit, cela ne s'arrête pas seulement à la pensée de l'Banna, mais cette pensée, elle a donné lieu à d'autres branches, à d'autres sexes, hein, à d'autres sexes. Elle ne cesse de donner, donc, d'inspirer les égarés, d'inspirer des innovateurs. Hein. Donc, c'est ce qui a permis, d'en parler en particulier. Hein, voici ce qui obligeait à le viser en particulier, puisqu'il est devenu fameux et très connu dans tous les pays et les régions. Hein. Il avait corrompu les esprits des jeunes, hein, les avait mués en des révolutionnaires, des tekfiris et des terroristes. Donc celui qui va s'affilier au groupe des Ikhwan, hein, va dénigrer les savants, il va dénigrer les gouverneurs, hein, il aura l'esprit de rébellion. Hein, même si tu vas lui montrer les hadiths du prophète qui sont clairs dans As-Sama'u Ta'a, pour le gouverneur musulman, hein, il ne va pas accepter cela parce que ça y est, son cœur, c'est comme une éponge, il a absorbé cette chose qu'il doit se révéler. Hein, parce que tu lui montres la parole du messager, il va la mettre de côté. Il ne va pas l'accepter malheureusement, ça c'est mauvais. Et ça c'est très mauvais. Hein. Le musulman, lorsque donc on lui amène la preuve de Al-Qur'an wa Sunna, sami'na wa ata'na. Hein? Donc il doit entendre et obéir. Ça y est. Hein? Et surtout donc Al-Qur'an wa Sunna, donc c'est des preuves qui sont claires. Hein? Isma' wa ati'. Il n'est pas plus clair que cela. Le prophète Al-Sunna, il a dit Isma' wa ati', hein? Wa in duriba dahruk wa ukhidha maluk. Hein? Wa in daraba dahruk wa akhadha maluk. Hein? Entends et obéis, même si on te frappe, on te fouette le dos, hein, et même si on te prend ton argent. Puisque c'est un gouverneur musulman, pourquoi? C'est pour sauvegarder le groupe. Hein, parce que l'islam ne voit pas que donc l'intérêt donc de l'individu. Il voit d'abord l'intérêt de la umma. L'intérêt de la umma. Hein, et donc la umma, lorsqu'elle est forte, les ennemis, hein, ils la craignent, hein, ils ont la crainte, hein, donc vis-à-vis de cette umma. Mais lorsque la umma, donc, elle est en train de passer par des crises et des troubles, donc ça y est, les ennemis, ils peuvent rentrer dans cette ère et donc ils peuvent donc avoir des plans, hein, de la diviser. Regardez comment ils essaient de diviser beaucoup de pays arabo-musulmans. Il essaie de les affaiblir, de semer les troubles et donc de les diviser. Mais eux, leur pays, est-ce qu'ils sont en train de connaître cette division, hein? Est-ce qu'ils sont en train de connaître ces révolutions, ces troubles? Ils vont donc réagir face aux troubles vraiment, comme on dit, sans merci. Hein? Ils interviennent dès qu'il y a un mouvement, une chose. Hein? Ils interviennent. Hein? Ils interviennent. D'accord? Et si cela il est donc permis chez eux, ils sont des égarés. Nous, on n'accepte pas ces choses, hein, dans notre société. Puisque nous, on est une umma, hein, unifiée. On doit être un seul groupe. Un seul groupe. Ce multipartisme, cela est hérité des Occidentaux. Hein, la pluralité des partis et la pluralité donc des cercles et des choses, ça c'est une chose qui est interdite à la base. Hein? Nous, on doit être unis, on doit donc suivre la vérité. Les égarements, etc., on ne les accepte pas en société. On n'accepte pas que des gens vont défiler et exprimer leur opposition, ou bien exprimer, par exemple, leur mécontentement et exprimer ces choses. Parce que, donc, en général, donc, en principe, hein, on doit être unis. On doit être une seule communauté, et cela n'est pas accepté en islam, donc de manifester ou de se rebeller, ces choses ne font pas partie de l'islam. Donc il s'agit de bien connaître et de bien comprendre donc la voie de Salaf Saleh et d'être fier de s'y affilier, comme on l'a dit pas mal de fois. Très bien, donc le Cheikh, hein, rahimahullah, wa jazahu khairan, il a clarifié, il a montré le conseil, hein, il a dit: voici ce qui obligeait à le viser en particulier, puisqu'il est devenu fameux et très connu, hein, dans tous les pays et les régions. Il avait corrompu les esprits des jeunes, les avait mués en des révolutionnaires, des tekfiris. Le tekfiri, c'est celui qui prononce le tekfir injuste à l'égard des musulmans, qui va juger des gouverneurs notamment, hein, comme étant mécréants. Iyadan billah, ça c'est un jugement qui est lourd. De prononcer qu'un gouverneur, hein, il serait mécréant. Cela revient aux gens de science. Cela ne revient pas donc aux jeunes. Cela ne revient pas donc même à ces prêcheurs qui n'ont pas donc assez de science. Hein? Mais cela revient aux grands savants, c'est eux qui statuent sur ce jugement qui est lourd de conséquences que de juger un musulman, hein, comme étant mécréant. Donc là, cela, donc un musulman qui est à la base un musulman, hein, il ne quitte l'islam qu'avec une certitude. Hein? Donc man thabata islamuhu bi yaqin la yuzlanu bi shakk. Celui dont l'islam il est donc la base, il est musulman. On ne va pas donc le rendre mécréant pour des suppositions, pour des hypothèses. Non, mais pour des preuves manifestes, comme le prophète alayhi salam, il a dit kufran bawahan, hatta taraw kufran bawahan, hein, indakum fihi min Allah burhan. Hein, burhan. Très bien. Donc là, le cheikh, il a donc décrit ces jeunes, hein, qui s'affilient dans ces groupes et qui deviennent des révolutionnaires, des tekfiris et des terroristes. Rien d'étrange donc à ce que des apprenants de science salafis désavouent cette méthodologie et publient ses défauts afin de confirmer le vrai, conseiller aux hommes, s'approcher d'Allah et engager un jihad dans son sentier. C'est un jihad par la science. Réfuter les innovateurs et les égarés, hein, ça fait partie donc de al-jihad fi sabilillah. D'accord? Allah dit Inna alladhina amanu wa amilu salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Traduction rapprochée du sens du verset. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Hein? Donc là, c'est un jihad. Le fait d'essayer de conseiller aux musulmans, le fait de conseiller ne serait-ce qu'à une seule personne, c'est un grand bien. Ça, c'est un grand bien. Donc la tahqiranna min ma'ruf shay'an. Donc nous, on doit propager les paroles des gens de science. Hein? Propager les paroles des gens de science. Walhamdulillah. Et donc le cheikh, il va prendre une nouvelle parole de Ibn Zubayr, hein, pour aussi lui montrer qu'il était en train de se tromper. Parce que celui qui va défendre le batil, il se trompe et il se contredit nécessairement. Le cheikh lui dit, et pour ce qui est de ta parole, ils avaient particulièrement visé ces livres, parmi d'autres bien connus, qui sont pires que les siens, hein, ainsi que des prédicateurs, vivants et morts, plus déviants que lui. Je dis, dit Cheikh Najmi, je t'avais montré la raison à cela. Même si les salafis ne s'étaient pas tus, hein, le verbe se taire, ils ne s'étaient pas tus, hein, face à une fausseté, louange à Allah, walhamdulillah. C'est-à-dire, comme si Ibn Zubayr il insinue ici que seulement le Benna qui est critiqué et les autres ne sont pas critiqués. Non, c'est pas le cas. Les gens de science, ils ont critiqué les sectes égarées. Que ce soit le Qadianiya, qui disent, nous, on va prendre seulement le Coran. On n'a pas besoin de la sunna. Hein? Ça, c'est une parole de mécréance. De dire, nous, on n'a pas besoin de la sunna. Ça, c'est une parole de mécréance. Hein? Et donc, bien sûr, cette méthodologie et ce groupe, c'est un groupe qui est mécréant. Hein? Celui qui essaye de d'œuvrer seulement par le Coran, comment il va prier? Dans le Coran Karim, par exemple, il y a l'ordre de prier. Comment on va prier si on ne connaît pas la sunna? Hein, c'est impossible. Et cette parole a été donc ressassée par Qazafi. Qazafi, il a dit la même chose. Qazafi, qui était donc président de la Libye, hein, il a dit la même chose. Il a dit on se suffit du Coran. Et donc Cheikh Salih al-Buhaydan, hafidhahullah ta'ala, c'est parmi les grands savants de l'Arabie Saoudite. Il était venu et lui a montré son égarement sur ce point. Il lui a montré, hein, qu'on ne peut pas œuvrer avec le Coran sans la Sunna. Hein? Comme les gens de science, ils ont dit, حاجة القرآن إلى السنة. القرآن يحتاج إلى السنة أكثر مما السنة تحتاج إلى القرآن. Parce que la Sunna, hein, elle clarifie le Coran Karim. Ils ont dit que le besoin du Coran Karim par rapport à la Sunna, il est plus grand que le contraire, c'est-à-dire que la sunna n'a besoin du Coran Karim. Ce sont deux révélations. Pourquoi on va donc laisser de côté une partie de la révélation? Ça, c'est une révélation qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On la prend en entier. Hein? Donc ça, c'est la parole de Qadianiyya, par exemple. Et les autres sectes, les soufis, les ash'ari, les ahbash, les tablir, les khawarij comme l'ikhwan, et donc les sectes Les gens de science, ils ne se sont pas tués vis-à-vis d'une secte, ils ne l'ont pas critiqué. Non, ils ont critiqué hein, tous les égarements. Hein. Donc, c'est pourquoi le cheikh lui a montré hein, que les salafis, ils ont réfuté toutes ces sectes. Ils avaient répliqué à toutes les catégories du faux précédentes, c'est-à-dire même anciennes hein, et récentes, anciennes et contemporaines, dans la mesure de leur possible. Les gens de la sunna, ils ont répliqué aux sectes et aux égarements, pour que le jeune hein, donc, sache hein, donc, la voie de vérité. Je donne comme exemple en cela, pour l'époque contemporaine, son éminence, notre valeureux cheikh doué et exceptionnel savant, le conseiller vertueux Abdelaziz ben Abdullah ben Baz, hein, qu'Allah le préserve, lui accorde succès et l'assiste. Hein, c'était donc du vivant de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Puis le comité des grands savants après lui, hein, qu'Allah leur accorde à tous succès et qu'il les soutienne pour tout bien et les protège de tout mal. D'accord? Celui qui compulse les fatwas de Cheikh Abdelaziz ben Baz, qui figure en plus de 7 volumes, les fatwas de Cheikh Abdelaziz ben Baz, c'est plus de 7 volumes, hein? Il remarquerait qu'il avait écrit beaucoup de réfutations contre les gens du faux, dans toutes leurs catégories et sections. Hein, ainsi que ce qui était écrit dans la revue des recherches islamiques comme les fatwas, comme fatwa et réfutations, de sa part et de la part du comité, qu'Allah les récompense et bénisse leur temps. Hein. Donc là, les gens de science, ils ont réfuté tout cela. Hein. Que dire aussi des réfutations de Cheikh Al-Albani vis-à-vis des sectes, les réfutations de Cheikh Muqbil, les réfutations de Cheikh Rabi', les réfutations de Cheikh Mohamed bin Hadi, de Cheikh Abdel Bukhari, et donc de tous les gens de science, ils ont réfuté cela. De Hamoud Twijri, rahimahullah, qui avait écrit beaucoup de réfutations contre les égarés, hein, et contre les égarements. Cheikh Taqid bin Hilali, qui avait réfuté Tijaniya, il avait réfuté Tablir, il avait réfuté donc, donc les chrétiens aussi, donc beaucoup de réfutations. Hein? Donc cela dire qu'ils ont particularisé Al-Banna et donc ils n'ont critiqué que Al-Banna, c'est faux, hein? C'est pas un propos qui est juste. Donc là le cheikh il a poursuivi, il a dit: ce que je veux dire par là, c'est que ta parole, les frères hein, l'ikhwan, les frères l'avaient attaqué, c'est à dire ils visent les gens de science, les frères ici, l'ikhwan hein? Ou bien donc les gens de son groupe même qui l'ont critiqué. Hein, les frères l'avaient attaqué sans une raison de le particulariser, puisqu'il y a des livres très connus qui sont pires que le sien, et il y a des prédicateurs vivants et morts plus déviants que lui. Cela signifie qu'on ne leur avait pas riposté, hein, parce que cette parole sous-entend et laisse sous-entendre qu'on n'a pas réfuté les soufis ou bien les ash'ari ou bien donc les maturidis ou bien donc les ahbash ou les rawafid. Donc là, ça c'est faux. Les gens de science, ils ont réfuté tout cela. Ils ont fait leur effort pour réfuter tout cela. Alhamdulillah. Donc là, les gens de science, ils ont fait un grand effort de critique de ces sectes égarés. Hein? En plus de leurs efforts d'explication de la voie de vérité. Hein? Que ce soit sur le plan de la aqida et de le faire, ou que ce soit hein, donc, sur tous les plans de la religion. Ils ont fait l'effort, alhamdulillah. Et c'est ce qui montre que et c'est ce qui fait que l'islam il est en train de se propager maintenant, alhamdoulilah, dans le monde. Hein? Donc là, donc l'islam il se propage beaucoup par, hein, après donc le ni'mat d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la cause donc des efforts des savants qui ont beaucoup écrit et qui ont beaucoup clarifié. Hein? Le cheikh l'a dit: or, ceci est un propos erroné. Dire que les gens de science, ils ont particularisé cet homme, ou bien son groupe, ils l'ont critiqué, ce propos, il est erroné. Qu'Allah nous préserve et nous réforme, vous et moi. Hein? Donc là, dire qu'on a critiqué que Al-Banna, ça c'est faux. D'accord? Cependant, les arguments des savants n'ont pas cet aspect, mais plutôt leurs arguments, dans ce qu'ils avancent et ce qu'ils réfutent, reposent sur les textes du livre et de la sunna, selon la compréhension des prédécesseurs de cette communauté. Hein? Donc là, si tu as quelque chose à discuter, montre en te basant sur le kitab et le sunna, et non pas venir à « vous avez spécifié cet homme ». Ça, c'est pas un argument. Hein? Donc c'est pourquoi il est en train de lui rappeler « voici comment on argumente selon la voix des gens de la sunna ». Allah a dit, son messager a dit, « Salaf Salih, ils ont dit ». Et non pas pourquoi vous critiquez cet homme. Alors, ça, c'est pas un argument. Très bien. Donc là, le cheikh lui a dit, donc, oh frère en islam, ya akhar islam, si tu vois que réfuter Hassan al-Banna et les gens de son parti, hein, qui se sont fait souiller par le soufisme et le paganisme, al-Sufiya wal-Wataniya, c'est grave. Hein, ils se sont laissés souiller par ces choses, ces saletés, que sont le soufisme et que sont le paganisme, al-Wataniya. Parce qu'ils se rendent auprès des, donc des qubours, hein, ça c'est grave. Hein. Si tu considères que réfuter ces gens, hein, qui se sont fait souiller par le soufisme et le paganisme, qui avaient introduit des innovations en religion, et y avaient légiféré ce qu'Allah et son messager n'avaient pas fait, hein, si tu considères que réfuter ces gens, tout en montrant ce que leur méthodologie contient, comme fausseté et égarement, si tu le considères comme une agression envers les gens de cette voie, ainsi que son fondateur, sache donc que nous ne possédons pas ta guidée. Hein? Si tu tiens coûte que cet homme ne doit pas être critiqué, non, on n'a pas donc ta guidée. On a, donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dispose des cœurs. Hein? Non, on te clarifie la voie. Que celui qui s'égare, on montre son égarement. Hein? S'il est des gens de la sunna, on sait que les gens de la sunna aiment la vérité. On le conseille, hein, en privé. Et si on a une connaissance que ça, c'est un homme qui est déjà déviant, on le critique. Hein. Si sa déviance, elle est devenue publique, comme les livres de l'Benna, ils ont affiché cela, les gens de son groupe. Ils ont publié Muzakirat Hassan al-Banna. Ils ont publié cela. Ils sont en train de s'enorgueillir et de se vanter de cela. Ils sont en train de dire, voici, ils sont fiers de cela. Fiers de quoi? Des vers qu'on a lus dans les séances précédentes. Fiers donc du mensonge qu'il dit que le prophète, il assiste avec eux. Et que c'est le prophète qui pardonne. Ou alladhi yaghfir dhunub al-ibad. Hein, c'est lui qui pardonne. Donc ils sont en train de diviniser le prophète alayhi salam, iyadan billah, ça c'est shirk, hein, ça c'est du shirk. Ils sont en train de chanter lorsqu'ils se rendent auprès des tombes, hein, ils sont en train de chanter des choses, ils sont en train de chanter donc al-wahdat al-wujud, hein, de dire que donc Allah halun fi hada al-wujud, ça c'est mauvais. Dire que Allah subhanahu wa ta'ala fusionne avec cette existence et que ce que nous voyons il est Allah même, hein, ça c'est wahdat wujud qui se trouve chez Al-Banna et qui se trouve, hein, et qui se trouve chez Sayyid Qutb, hein, comme dans le vers qu'on a cité de Al-Banna, Allah a qul wa daril wujuda wa ma hawa, hein, et donc ce sont des vers qu'on a cités pendant les séances précédentes, et Al-Qutb aussi il a la même chose. Ahadiyat al-wujud, il a dit cela malheureusement. Ça, ce sont des aqaïd qui sont de la mécréance. Donc là, c'est pourquoi le cheikh lui dit, ces égarements, si ces égarements, tu ne veux pas les critiquer, et tu n'acceptes pas que les gens les critiquent, non, on ne possède pas ton cœur. Non, on ne dispose pas de ton cœur. Nous, on te montre, hein, et on fait de toi pour toi. Hein, c'est tout ce qu'on possède. On ne peut pas, donc, influer, hein, sur ta guidée. Hein, et donc sur ton cœur. Très bien. Donc là, le cheikh, hein, il lui a dit, nous ne possédons pas ta guidée, mais notre devoir est d'invoquer Allah Azza wa Jal, hein, pour qu'il te fasse sortir de cette pensée étrange et cette compréhension douteuse qui t'avait assailli et confondu. C'est vrai. Regardez, ça c'est Abdullah ibn Jibrin qui a donc aussi un nasib min al-ilm, qui a reçu de la science. Hein? Que dire d'un jeune qui va ouvrir les livres de Qutb ou de Al-Banna, etc. Ils vont donc vraiment, ils vont le tromper. Hein? Ils vont le tromper. Donc là, c'est pourquoi la voie de As-Salaf Saleh, c'est que le musulman n'ouvre pas donc les livres des gens d'égarement. C'est le savant ou bien l'étudiant en sciences qui est très fort, hein, qui peut ouvrir ses livres pour les critiquer et pour critiquer le batil, pour critiquer le faux, et non pas qu'on peut lire dans n'importe quel livre. Ça c'est faux, hein, ça c'est faux de lire donc dans les religions falsifiées ou de lire dans les groupes donc d'égarement, hein, tel que le soufisme ou tel que donc les idéologies de l'athéisme à notre époque, hein, ou bien les théoriciens du socialisme ou du communisme, hein, ou les philosophes tels que les philosophes c'est-à-dire de l'existentialisme tels que Sartre ou Heidegger ou Camus ou les autres, hein. Donc lire cela, c'est-à-dire pour apprendre, hein, ou lire cela sans vraiment avoir de la science, c'est périlleux, c'est très périlleux, hein, c'est très périlleux. Donc là, il y a des exemples dans l'histoire de beaucoup de gens qui se sont égarés. Et maintenant, nous, on est en train d'étudier, hein, la réplique de Cheikh Najmi à quelqu'un qui avait de la science, et malheureusement, il est devenu confondu. Comme le Cheikh, il était en train de lui dire, mais notre devoir est d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il te fasse sortir de cette pensée étrange. Had al-fikr al-gharib, hein, une pensée étrange qu'il a maintenant, hein, cette pensée étrange et cette compréhension douteuse, had al-fahm al-gharib, c'est-à-dire c'est étrange ce que tu es en train de dire, hein, on ne réfute pas le benna, pourquoi, hein, et qui t'avait assaillé et confondu, et en même temps nous craignons pour toi, hein, nous craignons pour toi que cette pensée ne te fasse entrer parmi ceux desquels Allah a dit, hein, on craint pour toi que tu rentres que ce verset s'applique à toi. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Hein, c'est-à-dire on craint pour soi que tu délaisses la voie du salaf salih et tu vas choisir une autre piste, parce que ce verset il est clair dans l'ordre de suivre la voie du salaf salih. Les musulmans doivent apprendre par cœur ce verset, hein, pour le sortir contre les gens d'égarement. Si quelqu'un il va te dire non, on n'est pas obligé de suivre le salaf salih, tu vas lui sortir par exemple ce verset. Il y a d'autres versets qu'on a rappelés donc pendant certaines séances. Mais ce verset, il est clair. وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Qu'est-ce que nous allons faire de lui? نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ça, c'est une menace. Hein? Traduction rapprochée du sens de ce verset. Et quiconque fait scission d'avec le messager, hein, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, c'est-à-dire le salaf salih. Les croyants, lorsque ce verset était en train d'être révélé et descendre, c'est les sahaba. Et les croyants, par excellence, c'est les sahaba. Hein? Est-ce que quelqu'un il va prétendre qu'il est meilleur que sahaba, hein? Ou bien il est plus croyant que sahaba? Non, ce verset, il indique qu'il faut suivre sahaba, radhiyallahu alayhim. Hein? Et comme le prophète alayhi salam, il a expliqué, il a montré que les meilleurs gens, c'est ma génération, puis ceux qui vont leur succéder, puis ceux qui vont leur succéder. Donc là, donc pour la suite de la traduction de ce verset, du sens de ce verset, hein, du sens rapproché de ce verset, traduction rapprochée toujours, parce que on traduit jamais le Coran al-Karim, on ne traduit que donc le sens, hein, que donc les gens de science ils ont dégagé dans les exégèses, hein, du Coran al-Karim. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, hein, la menace, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, hein. Deuxièmement, et le brûlerons dans l'enfer, hein. Et quelle mauvaise destination, hein. Regardez cette menace. Nous le laisserons comme il s'est détourné. Châtiment ici-bas, terrestre. Hein, nous le laisserons comme il s'est détourné. C'est-à-dire, il va vivre dans l'égarement, dans les ténèbres ici-bas, hein, et dans le-delà, hein, et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. C'est celui qui contredit la voie de Salaf Salih. Il est obligatoire de suivre la voie de Salaf Salih. Et donc là, c'est le verset 115 de la sourate An-Nisa, les femmes. Et le Cheikh, il a continué, il a dit, et sache que l'alliance avec les gens du faux, ainsi que leur défense, ne relève pas de la voie des croyants. Il ne relève pas de la voie des croyants que de défendre les égarés. Hein, de défendre les égarés. Hein. que ces gens du faux soient des associateurs ou des innovateurs ayant des inventions de mécréance ou de perversion. Hein? Que ces gens d'égarement que tu es en train de défendre soient des mouchrikines ou bien soient des moubtedirines. Qu'ils soient des associateurs ou bien qu'ils soient des innovateurs. Il ne s'agit nullement de défendre les gens d'égarement. Hein? Il s'agit de défendre les gens de l'haq, de la vérité. Hein? C'est pourquoi je te fais ce conseil et j'implore Allah pour toi, ô frère de l'islam, afin que tu retournes à la vérité et que tu la soutiennes. Nous demandons à Allah de te la rendre claire et qu'il dissipe tout voile de ta vue. Ceci est mon conseil à ton égard et celui de tous ces lafis qui te veulent du bien, qui craignent pour toi les conséquences de cette pensée étrange et de cette compréhension douteuse. Et le succès ne provient que d'Allah. C'est lui que c'est sur lui que je m'appuie et c'est à lui que je me repens. C'est Allah qui accorde le succès. Hein? Mais le musulman, il s'agit de déployer les causes pour atteindre la vérité et aussi implorer Allah subhanahu wa ta'ala le succès, de lui accorder le succès et de rester ferme sur la voie de vérité et ne pas dévier avec ceux qui dévient. Hein? Parce que avec l'âge et avec le temps et avec les crises qui surviennent dans la umma, la personne risque d'être troublée. Mais celui qui va toujours rester avec les gens de la sunna et il ne va pas contredire la voix de Salaf Saleh, inshallah ta'ala, celui-là, il reste avec les gens de la sunna. Mais celui qui va commettre des erreurs, lui, il est en train de regarder dans les livres des égarés, les théoriciens, hein, ou bien il est en train de lire dans leurs livres et articles, ou bien de les écouter. Hein, donc il risque donc de perdre cette lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, de lui montrer la voie de Salaf Saleh. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve ainsi que vous. Faites très attention à cela, mes frères. Donc vivre avec les gens de la sunna. Et donc lire leurs conférences, leurs livres, les écouter et vivre avec cela, il est donc innombrable. Il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à apprendre avec les gens de la sunna. Nous n'avons pas besoin donc des gens d'innovation, nullement. Comme les gens de science tels que Cheikh Al-Uthaymin nous ont montré à notre époque, on n'a même pas besoin donc des gens d'innovation dans des aspects qui ne sont pas liés très intimement à la croyance, tels que des aspects de ulum al-ala. Hein? Mais même ceux-là, ils peuvent glisser leurs innovations. Hein? Quand ils essayent de t'apprendre la langue, ou quand ils essayent de t'apprendre tajwid, ou quand ils essayent de t'apprendre, par exemple, le mustalah du hadith, ou quand ils essayent de t'apprendre quelque chose qui est loin, qui n'est pas en relation directe avec la aqida, mais là aussi, ils essayent de glisser des exemples ou de glisser donc des choses pour faire passer sa doctrine et sa voie. Et ça, c'est grave. Hein? Donc, c'est pourquoi. Donc les livres, alhamdoulilah, se trouvent donc ceux-là, même pour l'arabe, même pour Mustalah Hadith, même pour Tajwid, tout cela se trouve chez les gens de la sunna, alhamdoulilah, avec les efforts dont j'ai parlé tout à l'heure. Très bien. Et le Cheikh, il enchaîne, il a dit, et concernant ta parole, je te conseille, ô Cheikh, de préserver ta langue et ta plume pour ne pas t'attaquer à l'honneur de ce prédicateur, c'est-à-dire le Benna. Hein, par lequel Allah a fait profiter. C'est fin de citation. Je dis, Cheikh Najmi, hein, je dis, oh, comme le conseil est une bonne chose quand il est à bon endroit. Hein? Quand c'est un bon conseil, c'est une bonne chose. Mais là, tu es en train de me donner un mauvais conseil. Hein? C'est un présent, le bon conseil. C'est un présent précieux pour celui qui veut protéger sa religion. Cependant, tu me conseilles de ne pas conseiller. Tu me conseilles de ne pas conseiller à la Umma. Hein, tu me conseilles de ne pas publier mon livre Mourid. Alors que le Cheikh a déployé un grand effort. Alors que l'érudit savant qui est Cheikh Rabi' al-Madkhali Hafidhahullah, il a dit ce livre, il est magnifique. Il a dit, Habbarahu Cheikhuna. Habbarahu, c'est un terme qui veut dire que vraiment il a composé un livre merveilleux. Habbarahu Cheikhuna. C'est-à-dire c'est un livre magnifique. Il montre la voie donc des prophètes, alayhim salam, et il montre que des sectes, elles ont dévié à cette voie et elles se sont égarées donc. Hein? Donc et ce livre donc le Mourid, il a été aussi préfacé par Cheikh Al-Fawzan, Il a été aussi commenté par Cheikh Mohamed Ben Hadi, trois grands savants qui ont accueilli ce livre avec vraiment, c'est-à-dire d'une manière favorable. Très bien, le Cheikh il a dit, cependant tu me conseilles de ne pas conseiller. Ceci est-il du conseil? Al-hada min al-nasiha, que tu me conseilles de ne pas conseiller à ma communauté, ceci est-il du conseil? C'est plutôt un découragement, hada tahdhil. C'est plutôt un découragement. Tu es en train de me dire, ne publie pas ton livre. C'est du découragement du bien et un obstacle pour ne pas partir dans le sentier d'Allah. Le Cheikh il a fait un jihad pour composer ce livre magnifique, Mawlid al-Adb Zulal. Ce livre, ici pour parler de notre cas au Maroc, lorsqu'il vient, chaque fois lorsqu'il vient, il est épuisé. Parce que tellement les tullab ilm et les frères et les salafis, ils achètent ce livre. Moi j'ai trouvé une fois donc une copie à Agadir lors d'un séminaire. Il y avait très peu de copies. Et donc ce livre, c'est un livre magnifique. Les livres de Cheikh Rabi' et de Cheikh Najmi, lorsqu'ils sont dans les bibliothèques, rapidement ils s'épuisent. Même les gens d'innovation sont en train d'acheter cela pour le lire. Je vous certifie que ici, pour le cas du Maroc, les livres de Cheikh Rabi' al-Madkhali surtout, lorsqu'ils sont dans les librairies, rapidement ils s'épuisent. Ils s'épuisent rapidement. Tellement les gens, ils ont donc soif de connaître la voie de Salaf Saleh. Donc là, le Cheikh il a dit, crains Allah donc, ô Cheikh Abdallah, et retourne au vrai. Par Allah, qui seul mérite toutes les adorations, il n'y a pas dans mon cœur un doute de l'ordre de 1% que ce que j'avais écrit est licite. Ce qu'il a écrit dans le Mawlid, il est licite. Il a été préfacé par Cheikh Al-Fawzan, le grand savant Al-Fawzan, et par le grand savant Rabi' al-Madkhali. Et il est préfacé et commenté par Cheikh Mohamed Ben Hadi. Trois grands savants qui ont préfacé cela. Donc je n'ai le moindre doute que ce que j'avais écrit, il est licite, il est permis. En outre, je vois que cela relève de mon devoir. Ça c'est un devoir par rapport au savant que de montrer. S'il ne montre pas, il aura failli à sa mission. Allah subhanahu wa ta'ala, il oblige les gens de science de montrer la vérité. Je vois ce que cela relève de mon devoir. Puisque j'avais appris sur cet homme et sa méthodologie ce qui m'habilite à faire le conseil aux autres et à montrer ce qu'il y a comme reproche vis-à-vis de sa voix. Lorsque toi tu découvres un égarement, tu découvres un égarement, ne serait-ce que donc que tu trouves, comme le prophète, il a dit, « Imatatul adha ani tariqi sadaqa ». Lorsque tu trouves quelque chose qui va nuire aux musulmans, tu l'écartes. Que dire lorsque le savant il voit quelque chose, elle va nuire à la jeunesse, elle va nuire aux jeunes. Donc est-ce qu'il va se taire vis-à-vis de cela? Ça c'est impensable pour un savant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, montrer ce qu'il y a comme reproche vis-à-vis de sa voix en forme de conseil aux apprenants de sciences du pays. Parce que même des tollab ilm, ils ont été trompés. Des tollab ilm, parce qu'ils ont, ils n'ont pas une connaissance profonde de manhaj as-salaf as-salih. Donc le musulman doit être vraiment haris, soucieux de connaître manhaj as-salaf as-salih au détail, pour ne pas être trompé. Donc de connaître la voie de salaf salih et de rester avec les gens de la sunna, notamment avec les grands savants. Al-barakatu ma'a akabirikum. La bénédiction se trouve avec les plus âgés parmi vous. L'akabir, c'est Cheikh Al-Albani, c'est Cheikh Ibn Baz, c'est Cheikh Al-Fawzan, c'est Cheikh Al-Uthaymin, c'est Cheikh Najmi, Cheikh Mokbil, les grands. À notre époque aussi, Cheikh Al-Haydan, Cheikh Rabia. Ce sont de grands savants. Donc ces grands savants, il s'agit donc d'écouter cela, de vivre avec leurs orientations, de faire attention à leurs orientations, de faire attention à leurs remarques. Et surtout lorsqu'ils critiquent une voix, c'est que c'est une voix d'égarement. Parce que le grand savant ne va pas venir critiquer quelqu'un, c'est-à-dire sans nécessité ou sans raison. Très bien. Ainsi aurais-je rendu une partie du devoir d'Allah sur moi et de défendre la religion islamique en combattant pour le monothéisme, hein, et en le protégeant. Car le prophète de la guidée et le messager de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait protégé aussi. Comme notre prophète, il a défendu la religion. Est-ce que notre prophète, il s'est tué vis-à-vis des égarements et vis-à-vis des écarts? Eh ben, then, hein, jamais. Hein, donc, lorsqu'il y a une chose qui contredit la religion, il l'a montré à sa umma. Hein, comme il avait dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, مَا تَرَكْتُ شِيْئًا يُبْعِدُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا وَنَهَيْسُكُمْ عَنْهُ. Je n'ai pas laissé quelque chose qui va vous éloigner par rapport à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, sans que je ne la montre. Hein, et là, hein, que je vous interdis ce qui va vous éloigner, hein, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas laissé un bien sans le montrer, il n'a pas laissé un mal sans le dévoiler aussi. Et finalement, le cheikh, il va lui dire, hein, ou bien donc encore une parole avant la dernière, il lui a dit, et pour ce qui est de ta parole, que tu me fais conseil de ne pas m'attaquer à l'honneur de ce prédicateur. Fin de citation, je dis encore, qu'est-ce qui serait prioritaire à défendre et protéger à ton sens? Le monothéisme et la croyance droite, celle des gens de la sunna et du groupe, ou bien l'honneur de Hassan al-Banna? Il s'agit de défendre le tawhid. Cet homme se rendait auprès des temples, on le dit, hein? Et non pas qu'on veut dire, non, on va protéger l'honneur de Al-Banna. Hein? Non, il s'agit de montrer aux musulmans que se rendre auprès des temples, c'est périlleux. Comme le faisait Al-Banna, avec cette manière, cette ziyara, qui soit shirkiya, soit bid'iya. C'est-à-dire le fait de se rendre vers un lieu lointain, hein, comme nous l'avons expliqué, donc avec les paroles de Cheikh, lors de la séance précédente. Donc là, il s'agit de défendre Tawhid, et non pas de défendre les sectaires, les gens, les individus. Il s'agit de défendre Tawhid, il s'agit de défendre la vérité. Le musulman doit être empli de la vérité. Il doit aimer la vérité et défendre la vérité. Il ne doit pas défendre les gens du faux, hein, ou bien avoir de l'amour, hein, ou bien de l'alliance vis-à-vis des gens donc du faux. Très bien. N'est-ce pas qu'Allah avait ordonné de combattre les associateurs et les mécréants à cause de leurs croyances? Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné même de le jihad, le combat contre les mécréants. Le combat où donc des âmes vont être perdues, bien sûr. Hein? Même le jihad, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour défendre la vérité. Hein? Et bien sûr, le jihad al-shar'i, non pas le jihad qui se fait avec les groupes terroristes et les groupes, chacun il construit un groupe et il dit, moi je fais du jihad. Non, le jihad il se fait derrière le gouverneur musulman. Hein? Un jihad al-shar'i, où il y a donc un étendard clair, où il y a l'objectif de défendre la ilaha illallah. Et non pas comme seulement comme un slogan, hein, et utilisé par les khawarij, tels que Daesh à notre époque, pour salir l'islam et pour salir la prédication de notre prophète alayhi salam, et pour montrer l'islam comme du barbarisme, hein, comme malheureusement, hein, diaboliser l'islam. Donc ce groupe, sa mission, c'est de diaboliser l'islam, c'est de montrer que l'islam il est sauvage, il agit avec une manière, avec une ignorance, alors que c'est pas un jihad ce qu'ils ont fait. Ça c'est de la barbarie, ça c'est de l'égarement, et même ils ont tué, ils tuent les gens de l'islam, et ils laissent les gens de Al-Awthan, les gens des idoles et des statues, ils les délaissent, alors qu'ils sont en train de tuer les musulmans, et sont en train de combattre les musulmans, au point qu'ils ont essayé même de faire sauter la mosquée du messager alayhi salam. Hein, c'est la preuve de leur grand égarement. Ils ont essayé de rentrer même dans la mosquée pour la faire sauter. Iyadan billah, donc au mois de Ramadan, fin Ramadan précédent. Donc là, c'est ce groupe de Daesh, etc. C'est pas un jihad. Ça, c'est un fesad. C'est une corruption. Non pas du jihad. Et donc le cheikh lui a dit, n'est-ce pas qu'Allah avait ordonné de combattre les associateurs et les mécréants à cause de la croyance? Allah avait dit, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus hein, de fitna. Et on va voir le terme de fitna, comment il a été compris ici. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit entièrement à Allah. Hein, à Allah seul. Surat al-Baqarah. Traduction, la vache. Hein, verset 193. Et la fitna dans le verset fut interprétée par l'association. Al-fitnatu shirk. Al-fitnatu shirk. Dans ce verset, la fitna c'est ash-shirk. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. D'accord? N'est-ce pas qu'Allah avait rendu légitime de tuer les mécréants et les associateurs, de prendre leurs femmes et leurs enfants, ainsi que leur argent comme butin pour les musulmans à cause de leur croyance, alors que à cause de la croyance de ces associateurs et de ces mécréants. Est-ce que l'honneur de celui qui avait commis l'association majeure, qui avait agréé ses auteurs, qui avait introduit les innovations, ainsi que les législations qui n'avaient pas lieu, c'est-à-dire il parle ici de l'Benna, il a fait tout cela, il a fait tout cela malheureusement, comme on a vu dans les 25 points donc, que le cheikh l'a détaillé, il a fait cela, l'honneur de celui qui avait commis l'association majeure, donc en se rendant dans les temples et en disant que le prophète pardonne. Il donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui avait agréé ses auteurs. Il donne une conférence dans un mausolée, dans un lieu de shirk. Il est en train de leur parler de l'akhlaq, du bon comportement. Et de ne pas avoir de haine vis-à-vis des croyants. Et donc il les laisse tourner autour de la tombe de Zainab. Donc il a agréé ses auteurs. Il est en train d'agréer ses auteurs. Comme si ces gens qui sont en train de tourner autour de la tombe n'ont rien fait. Il est en train d'agréer ce qu'ils sont en train de faire. Qui avait introduit des innovations. Il a introduit des innovations en religion. Hassan al-Banna. Il a introduit maintes innovations dans la religion. Iyadan billah. D'accord? Il a introduit des innovations. Ne serait-ce que l'innovation de l'anachid. Ils vont donc éduquer le jeune à écouter l'anachid. Ça, c'est parmi leurs ruses. Faites très attention, les frères. Faites très attention. Ils sont rusés. Ils sont rusés. Ils sont rusés. Ils donnent au jeune quelque chose qu'il va aimer. Il va dire, voilà, moi, je vais délaisser la musique, ils ont délaissé les égarements et les péchés, etc. Et maintenant, je suis la voix de Siqama, de la droiture, j'écoute les anachid. Et j'essaie de propager l'islam, alors qu'il est en train d'écouter les anachid petit à petit, où il y a les égarements, où il y a la doctrine de ce groupe, de l'Ikhwan, où il y a surtout les anachid qui mènent vers le jihad bid'i, qui mènent vers donc le combat, comme ce que fait Al-Qaïda et Daesh, etc. Parce que dans ces anachid, il incite les jeunes, et juste avant que qu'on commence notre assise, Cheikh Ali ibn Ahmed Madkhali Hafidullah, il était en train donc de dire aux gens que faites très attention de ces anachid qui sont en train de donner dans les écoles et dans les instituts, et ainsi de suite, où ils vont glisser l'idéologie de At-Takfir, et ils vont glisser donc le jihad al-bid'i, donc ils vont glisser cela, donc leur manière c'est de propager cela. Il était en train de donner des exemples que je ne connaissais pas, donc je ne peux pas me rappeler des vers qu'il a cités, mais je me rappelle personnellement de quelque chose que j'ai pu donc voir de près. C'est par exemple lorsque quelqu'un qui est en Arabie Saoudite, un derrière, un prêcheur d'égarement, un takfiri, qui s'appelle Suleyman Al-Alwan, qui avait composé une épître, un petit livre où il dit Da'na namut, il a intitulé son livre Da'na namut linana al-shahada, laisse-nous mourir, laisse-nous dans ces opérations suicides, laisse-nous aller dans ces opérations suicides, pourquoi? Pour avoir shahada, pour mourir en martyr. Il incite les jeunes à ces opérations suicides. Et lorsque Cheikh Fawzan il a été interrogé sur cela, sur ce livre et sur son auteur, Cheikh Fawzan il a dit, ces gens qui pensent comme ça, laissez-les mourir. C'est-à-dire, laissez-les mourir, ces Al-Alwan ou ces gens. Mourir, c'est meilleur que sa vie. Il est en train de réfléchir comme ça. Il est en train d'inciter les jeunes à prononcer cela dans les anachides. Parce que ça, c'est un anachide qu'il a composé là. Hein, il est en train de dire cela sous la forme d'un anachide. C'est-à-dire d'un chant que les jeunes vont apprendre. Ils vont, le jeune ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Mais cela s'imprègne dans l'inconscient du jeune lorsqu'il va répéter beaucoup ces anachides. Il sera imprégné par l'idéologie de al-jihad al-bid'i. Hein, il va donc petit à petit être gagné par cela. Hein, et lorsque tu vas lui montrer les preuves, etc., il va se considérer comme étant un morji. Hein, il va, parce que les tekfiri, les roulés de tekfir, ces gens qui vont choisir cette piste, lorsque quelqu'un il va leur donner voilà comment était le prêche du messager et des prophètes et ainsi de suite, voici la voix de Salaf, ils vont te dire non, toi tu es un morji. Hein, parce que les khawarij, comme avait dit l'imam Ahmed, les khawarij, ils vont considérer les gens de la sunna comme étant des morji'a. Parce que lui, il est dans un extrême, il va considérer que lui-même, il est la vérité, et que celui qui n'a pas c'est-à-dire cette ferveur, hein, il est un morji. Alors que c'est lui qui est un khariji, alors que les gens de la sunna, ils sont au juste milieu. Au juste milieu. Très bien, donc là, le cheikh, il a dit, voilà, c'est-à-dire il était en train de dénombrer les égarements de l'Banna. Est-ce que l'honneur de celui qui avait commis l'association majeure, qui avait agréé ses auteurs, qui avait introduit les innovations, ainsi que les législations qui n'avaient pas lieu en religion, celui qui a introduit toutes ces choses, est-ce que son honneur ne serait pas permis? Est-ce qu'il n'est pas permis de parler de ces égarements, hein, en vue de dessiller le regard à ceux qui furent bernés, ceux qui furent trompés à cause de cet homme et de sa méthodologie, hein? Si par Allah, hein, qui est la seule divinité digne d'adoration, bala wallahi, alladhi la ilaha illahu, hein, mon devoir, le tien, ainsi que de tous les apprenants de science, et que le soutien de la religion et la clarification du vrai soit prééminent sur toute chose dans cette vie ici-bas. Hein? C'est-à-dire défendre la religion. C'est pourquoi nous existons. Nous existons pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de défendre sa religion. Hein? Voilà pourquoi donc le cheikh, il a écrit cela. Hein? Donc il lui a dit, et la clarification du vrai, hein, que cela soit prééminent sur toute chose, hein, dans cette vie ici-bas, en signe d'obéissance à Allah, d'accomplissement de son droit, de renforcement de sa religion et de protection des musulmans contre les croyances confuses. Et le succès ne vient que d'Allah. Hein? Donc faire les causes, mais tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne guidée. Hein, la bonne guidée, parce que la bonne guidée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les gens. Et il guide qui il veut. Hein? Donc, il ya'lamu illahu fi qulubikum khayran yutikum khayran. C'est Allah qui connaît que dans ton cœur, toi tu es soucieux d'atteindre la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il t'accorde la vérité. Hein? Mais quelqu'un qui va suivre les passions, et malgré cela, il va dire, moi, je ne sais pas où donner de la tête. Parce que toi, tu n'as pas fait l'effort, hein, de quoi? De al-insaf, hein, c'est-à-dire de choisir la vérité vraiment, de faire l'effort d'être avec les gens de la vérité, avec donc les gens qui vont presser la voie de as-salaf salih vraiment. Hein. Et donc finalement, le cheikh, il va donc amener, hein, donc d'autres paroles par lesquelles il va conclure. Hein. Et pour ce qui est de ta parole, que tu me conseilles de ne pas publier mon livre, fin de citation, je dis, premièrement, je considère cela de ta part comme une manière de te mettre comme un obstacle dans le sentier d'Allah. Que quelqu'un veut publier un livre où il montre la voie de Salaf Salih et où il critique les voies de déviance, hein, et toi tu viens lui dire, hein, ne publie pas ton livre. Une manière de te mettre en obstacle dans le sentier d'Allah, car j'estime que ce livre compte parmi mes meilleures bonnes actions, hein, puisque par son biais, j'avais soutenu le vrai, défendu l'unicité et la bonne croyance. J'espère bien que j'avais fait cela pour, par sincérité à Allah, hein, exécutant son droit et combattant aux alentours de sa religion. Je ne m'innocente pas de la faiblesse et de l'erreur. C'est-à-dire, min al-da'fi wa min al-khata. Et malgré cela, je suis sujet à l'erreur. Hein? Mais voilà, voici mon intention. Mon intention était de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas donc complaire aux gens, hein? Et de ne pas écrire quelque chose pour complimenter un égaré. J'implore Allah de me pardonner, car certes, le serviteur, quoi qu'il fasse, il est sujet à l'imperfection et à la négligence. Hein? Quoi qu'on fasse, on peut tomber dans l'erreur. Hein? Mais l'erreur où l'on se trompe n'est pas comme l'erreur de croyance ou l'erreur de la voie sur laquelle quelqu'un va cheminer pendant sa vie durant. Hein? Donc l'erreur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, kullu bani adam khata, wa khayru khata'in tawwabun. Hein? L'être humain, il tombe dans l'erreur. Hein? Mais les meilleurs, hein, parmi eux, c'est ceux qui se repentent. Hein? Il s'agit de se repentir. Hein? Très bien, deuxièmement, je considère cela de ta part comme une trahison vis-à-vis du vrai. C'est-à-dire, le fait de délaisser les gens de la sunna et de venir même, non pas seulement que tu t'es contenté du silence et de ne pas encourager, mais maintenant tu viens fortifier les gens de l'batil. Hein? Je considère cela de ta part comme une trahison vis-à-vis du vrai, une alliance avec les gens du faux et un soutien pour eux. Cela suffit comme un affront envers la législation, puis envers ses porteurs desquels Allah avait dit « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعْمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ » Parce que venir s'opposer aux gens de la vérité, c'est grave. Hein? Traduction rapprochée du sens de ce verset, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » Surat Fussilat, les versets détaillés, le verset numéro 33. Troisièmement, il m'est parvenu que certains sectaires achètent les livres qui critiquent leur parti en grand nombre, puis ils les brûlent. Donc là, les gens d'innovation, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les livres des gens de science, de la sunna, qu'il n'y ait plus des stocks dans les librairies et ainsi de suite, et ils vont amener ces livres et ils les brûlent. Cela, ils l'ont fait cela, ils ont fait cela avec les gens de la sunna. Et même ce groupe apparu récemment, ces dernières années notamment, le groupe de l'Hadidiyya, ils font cela, ils disent qu'il faut brûler les livres de grands savants tels que, eux, ils ne disent pas que c'est de grands savants, ils disent, les livres de Ibn Hazm et de An-Nawawi et de Ibn Taymiyyah, ils ont dit, il faut brûler ces livres, Donc, ils peuvent passer à l'acte. Peut-être qu'ils font cela aussi, Mais le Cheikh, il lui parle aussi avant même l'apparition de l'Haddadiyya. Avant même de l'Haddadiyya qui disait qu'il faut acheter les livres de Ibn Hazm et de An-Nawawi, et les brûler. Ibn Hazm et An-Nawawi, c'était de grands savants, des sommités dans la science. Ils avaient beaucoup de savoir et beaucoup de science. Fath al-Bari, c'est la meilleure explication de Sahih al-Bukhari. Elle est faite par Ibn Hazm. Et aussi, la meilleure explication de Sahih Muslim, elle est faite par An-Nawawi, rahimahullah. Regardez, c'est-à-dire ces jeunes qui ne reviennent pas aux grands savants de quoi ils sont capables. De quoi ils sont capables. Donc là, le cheikh lui dit, il m'est parvenu que certains secteurs achètent les livres qui critiquent leur parti en grand nombre, puis ils les brûlent. Quelle différence y a-t-il entre celui qui incinère le livre, celui qui brûle le livre, après sa publication, et entre celui qui dit ne le publie pas? Donc là, la parole de Ben Jevrin, elle ressemble en quelque sorte à ceux qui brûlent les livres. Parce que celui qui brûle le livre, il a été publié, il le brûle. Et l'autre, il est en train donc même d'intercepter à l'avance et de dire, ne publie pas le livre. Là, c'est grave aussi de venir auprès du savant et lui dire, ne publie pas ce livre. ou bien de lui envoyer la lettre comme il a fait et lui dire ne publie pas ton livre. Il n'a pas adressé des remarques scientifiques, voilà, à tel endroit, peut-être qu'il faut vérifier cette citation, ou bien telle parole, elle ne signifie pas cela, ou bien il montre un argument. Il n'a pas fait cela, un effort de science. Il a fait, il a dit, non, ben, etc., c'est quelqu'un qui était connu dans la da'wah, etc., donc ne publie pas ton livre. Donc là, c'est un propos qui est, donc, comme on a vu, donc, qui n'est pas fondé. Hein? Lorsqu'on voit la chose en détail, on voit que cet homme n'était pas vraiment un prêcheur. Hein? Donc, selon la méthodologie du prophète, il n'était pas un prêcheur de vérité, c'était un égaré. C'était un homme de politique qui avait construit ce groupe. Très bien, donc là, le cheikh, il ramène un quatrième point. Quatrièmement, je considère cela comme une ingérence dans les affaires d'autrui. Hein, le fait que tu me dises, ne publie pas. Ça, c'est une intervention, une ingérence dans les affaires d'autrui, afin de le détourner de la diffusion du bien. Hein? Et dans le noble hadith, il fait partie du bon islam de la personne de délaisser ce qui ne la regarde pas. C'est-à-dire, tu ne dois pas t'ingérer dans les affaires des autres. Tu peux conseiller, tu peux montrer une preuve, mais ne pas dire, ne publie pas. Ça c'est une manière d'intervenir dans les affaires d'autrui. Très bien, cinquièmement, si je le publie et que les gens le partagent, c'est-à-dire que les gens propagent ce livre, hein, j'aurais publié un livre qui expose l'unicité, at-tawhid, hein, qui désavoue l'association, qui confirme la sunna, qui réprime l'innovation, et qui affirme le vrai et désapprouve le faux. Hein, donc, Mourid, Al-Zoulal, donc il montre cela, il montre ces choses. Ton devoir devait être de demander de hâter sa publication afin de soutenir l'unicité, la vérité et la sunna. Or, il se trouve que tu inverses les choses et que tu demandes d'annuler son édition. Hein, le cheikh, c'est bon. Hein, que tu as inversé. Hein, tu étais ainsi un suppôt des gens d'innovation et de sectarisme. Hein, dont le faux. Et contre les gens d'unicité et de la sunna, qui sont les suiveurs des pieux prédécesseurs. Hein? Demande pardon à Allah. Crains-le avant qu'il ne soit trop tard. Hein? Quand l'âge se sera entièrement consumé. Hein? Donc, le cheikh était en train de lui conseiller. Hein? Ils sont morts maintenant tous les deux, rahmahoumullah. Mais le cheikh lui a donné ce conseil. Crains Allah et reviens de cela, hein, avant qu'il ne soit trop tard. Par Allah, personne ne te sera d'aucune utilité devant Allah. Hein? Personne ne te sera d'aucune utilité devant Allah. Il s'agit, hein, pour toi, de soutenir la vérité. Et de soutenir donc les gens de vérité. Et non pas de soutenir les gens du faux. Même s'ils vont applaudir à ton égard et dire, voilà, toi, tu défends notre parti, tu défends la vérité, tu défends Sharia, comme ils ont dit à propos donc de l'élection de Morsi. Hein? L'islam ne reconnaît pas les élections. L'islam ne reconnaît pas les élections. Hein? Dans l'islam, il n'y a pas les élections. Dans l'islam, il y a donc des modes donc de sensible hakim. Hein? Et ce gouverneur, il est parti de la même porte par laquelle il était venu. Lui, il est venu par donc la rébellion. Quelqu'un, il l'a évincé et il s'est installé à sa place. Il s'agit donc d'entendre et d'obéir à celui qui est donc là, hein, en poste. Et non pas, donc, de toujours avoir, comme les Ikhwan, jusqu'à maintenant, ils ont la nostalgie de Morsi. Qu'est-ce qu'il a fait Morsi pendant une année de gouvernement? Presque une année de gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a appliqué de l'islam en Égypte? Qu'est-ce qu'il a appliqué de l'islam en Égypte? Au contraire, le cas de l'Égypte a empiré. Il a ouvert les portes de l'Égypte pour les Rawafi. Hein? Et il a écrit aux Juifs. Et il est rentré dans des choses, donc dans des égarements, hein. Et même pour ce qui est des péchés, il a donc les choses elles ont empiré en Égypte, parce que le groupe des frères musulmans, c'est un groupe qui est égaré. Celui qui n'a pas une chose ne peut pas la donner. Celui qui n'a pas une chose, il n'est pas imprégné par la croyance, il n'est pas imprégné par la voie de As-Salaf Salih. Il ne la connaît pas. Il ne peut pas la diffuser. Il ne peut pas instaurer l'islam et donc faire que l'islam il va être appliqué. Hein? Même lui, il a dit, donc, ce Morsi, il a dit que le hudud, non, ça c'est une affaire de fiqh. C'est comme si c'était une question de divergence. Le hudud, ça fait partie de notre religion. Hein? Lorsque l'état de l'islam, elle est instaurée, elle applique donc la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, est-ce qu'il y a une meilleure règle ou un meilleur jugement, hein, que celui d'Allah pour ceux qui croient, ceux qui sont, donc ils ont la certitude, hein? Donc là, le cheikh lui a rappelé ces choses, hein? Il lui a dit ce qui te profitera pourtant est de soutenir le vrai et ses gens. Nous demandons à Allah seul de nous guider, ainsi que toi, vers la vérité et sa défense, et qu'il nous préserve contre la passion et l'égarement. Hein, quant au fait que tu m'avises pour ne pas le publier afin de ne pas offenser mon honneur, je dis, sache que le déshonneur véritable vient du soutien du faux. Le déshonneur, c'est pas des paroles. C'est pas, donc là, les gens, ils se disent, non, ça, que tu parles d'un tel. Non, ça, il s'agit de voir clairement dans cela. Le cher, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sache que le déshonneur, là où on perd notre honneur, c'est quand on soutient le faux. Alors que le cheikh est en train de soutenir la vérité. Hein? Le déshonneur véritable vient du soutien du faux. Hein? De le proférer, de dire la fausseté. Et de le commettre, la fausseté. Ça, c'est le déshonneur pour le musulman. Et par la grâce d'Allah, je n'avais pas perpétré de faux, ni soutenu ces gens, pour que mon honneur soit entaché chez les croyants, qui sont les témoins d'Allah sur terre. Hein? Donc, peu importe les avis et les opinions des gens du faux. Ce qui compte, c'est les opinions des gens du vrai. Hein? Donc, les gens de la sunna, c'est leur opinion qui compte. Et non pas l'opinion des gens de l'Batil. Et comme a dit Cheikh Al-Jami, rahimahullah, si tu vois qu'un prêcheur, il est approuvé par différentes sectes, hein, fasse attention. Parce que peut-être qu'il est en train de, donc, un omoudéhin, que lui, il ne dit pas du mal de ces sectes. Il ne montre pas leurs égarements. Hein? Il est en train de les complimenter, il est en train d'essayer, donc, de complaire à beaucoup de gens. Qu'en fait un prêcheur, un jeune prêcheur qui s'appelle Youssef Wassim, hein, Wassim Youssef ou Youssef Wassim, qui dit même que les Rawafed, etc. Donc, Il est un Américain. non, il est donc du Golfe, de la région du Golfe. Je ne sais pas donc quelle est sa nationalité précisément, mais lui, donc il n'y a pas. C'est un Ikhwani, hein, c'est un Il parle en anglais. Non, il parle en arabe. Hein, ça c'est Youssef Estes, qui peut-être que tu. Oui. Celui-là, il est aussi, il n'a pas de science, il s'est égaré. Donc, lorsque Cheikh Abed, il lui a été rapporté qu'il a dit des choses concernant Khalq al-Qur'an. Khalq al-Qur'an, il a dit des propos qui ont le sens de Khalq al-Qur'an. Hein? Il a dit des choses comme quoi, Qur'an al-Karim, lui, il n'a pas donc mu'taqad al-Sunna al-Jama'a, bien le Qur'an al-Karim, kalam Allah, takallama bihi haqiqatan. Hein, le Coran Karim, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a parlé, hein, il a dit le Coran Karim, comme il a révélé les autres livres. Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut, hein, takallama bil Coran Karim, là, le Coran Karim, kalamullah. Hein, comme dans beaucoup de versets dans le Coran Karim, hein, on trouve, cela, il est prouvé. Kallamahu Rabbu. Allah, il a parlé à Moïse. Et Allah, il a parlé à Mohammed alayhi salam lors de l'ascension, hein, al-Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Adam. Hein, il a parlé à Adam. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Hein, et il parle. Et donc, Jibril alayhi salam, il amène sa parole. Donc, ça, c'est aussi là une parole de ce genre qui est une parole très grave. Hein? Mais moi j'ai mentionné quelqu'un qui est un égaré aussi, qui est Wassim Youssef. Hein? Wassim Youssef aussi, qui est un moudahin vis-à-vis de Ar-Rawafid. Ar-Rawafid qui insulte Donc nos pieux prédécesseurs, lui, il est en train de faire le mudahana vis-à-vis de ses égarés. Qabbahahumullah. Hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc les enlaidisse, hein, donc rendre plus les qabbahahumullah, hein, donc ces égarés qui insultent Abu Bakr wa Umar et qui considèrent que Abu Bakr wa Umar seraient mécréants, lui il a dit ça, donc c'est comme s'il était en train donc de, il y a des choses qu'ils ont, donc on va comme le taqrib de Hassan al-Banna. C'est-à-dire, il y a une partie, il y a les bonnes chez eux, etc. Non, ça c'est un groupe déviant, égaré. C'est un groupe qui a prononcé ces paroles de mécréance. Parce que insulter Cheikhine, Abou Bakr Omar, ça c'est une mécréance. Insulter la majorité des Sahaba, ça c'est une mécréance. Hein? Qui nous a transmis cette religion si ce n'est pas Sahaba? Si on va donc mettre de côté Sahaba, donc on n'aurait pas la révélation, on n'aurait pas donc la religion. Hein? Donc là, ces Rawafid, ils ont été instaurés par un juif. Hein, c'est un juif qui a suscité leur fitna. Et qui a donc, c'est Ibn Saba, Yahoudi, Abdullah ibn Saba, Yahoudi, qui avait la kunya de Ibn Sauda. Hein, et qui, c'est lui qui avait suscité cela. Comme lui aussi, il est derrière la fitna de Khawarij. Il a donné lieu à ces deux fitnes, donc de Khawarij et de Rawafid. Et donc il y a donc des ressemblances donc dans chez ces gens. Et même à notre époque, Daesh c'est proche de l'Iran aussi, hein, pour combattre les gens de la Sunna. Très bien. Donc là, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a conclu en disant et par la grâce d'Allah, je n'avais pas perpétré de faux, ni soutenu ces gens pour que mon honneur soit entaché chez les croyants qui sont les témoins d'Allah sur terre, mais j'ai plutôt fait un ouvrage de vérité afin de soutenir celle-ci, hein, de soutenir la vérité. J'espère avoir ainsi une rétribution auprès d'Allah et une parole de sincérité chez ceux qui viendront. Et s'agissant des gens du faux, je ne me soucie pas d'avoir une bonne réputation chez eux. N'ayez pas le souci que les gens d'égarement aient une bonne idée de toi. N'ayez pas ce souci. Non, ayez le souci que Allah subhanahu wa ta'ala t'agrée. D'accord? J'implore Allah le glorieux, le tout puissant, de me protéger contre leur mal, c'est-à-dire les égarés, hein, et de me prémunir de leur complot, et je suis décidé à publier mon livre, à le diffuser, avec la volonté d'Allah, hein. Je prends mon appui auprès de lui, qui dispose des âmes, de toutes les créatures, et c'est à lui qu'elles retournent et reviennent. Que la prière d'Allah et son salut soit sur notre prophète Mohammed, hein, sur sa famille et ses compagnons, et louange à Allah seul, Seigneur des univers. Voilà où se termine l'épître de Sheikh Najmi. C'est un conseil qu'il a rendu à la Ummah. Jazakallahu anna khayran, qu'Allah le récompense et qu'Allah rend sa balance lourde par le bien. Parce que donc c'est un cheikh qui a conseillé à la Ummah. Il a beaucoup de shurouh dans la aqidah et dans le fiqh. Il a déployé beaucoup d'efforts. Et donc parmi ses bonnes actions aussi, c'est que cheikh Rabi' al-Madkhali, c'est parmi ses disciples. Cheikh Mohamed bin Hadi, c'est parmi ses disciples. Ainsi que d'autres. Rahimahullah ta'ala, il a donc laissé des disciples derrière lui. Rahimahullah ta'ala, jazaa'u anna khayran. Et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce que nous avons vu dans cette risale-là, relativement à la aux égarements de Hassan al-Banna, hein, donc pour prendre ces choses et pour aussi sensibiliser les gens et montrer que Hassan al-Banna était un égaré et non pas un prêcheur, donc sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.